Le lendemain, dans son numéro du 15 janvier, le Daily Telegraph publie un article ainsi conçu. L'Afrique va livrer enfin le secret de ses vastes solitudes. Un Oedipe moderne nous donnera le mot de cette énigme que les savants de 60 siècles n'ont pu déchiffrer. Autrefois, rechercher les sources du Nil, Fontes Nil quae rere, était regardé comme une tentative insensée, une irréalisable chimère. Docteur Barth, Docteur Livingstone, les capitaines Burton et Speke ont ouvert trois chemins à la civilisation moderne. Leur point d'intersection, où nul voyageur n'a encore pu parvenir, est le cœur même de l'Afrique. Or, les travaux de Sardi, pionnier de la science, vont être renoués par l'audacieuse tentative de Dr Samuel Ferguson, dont nos lecteurs ont souvent apprécié les belles explorations. Cet intrépide découvreur se propose de traverser en ballon toute l'Afrique, de l'Est à l'Ouest. Si nous sommes bien informés, le point de départ de ce surprenant voyage serait l'île de Zanzibar sur la côte orientale. Quant au point d'arrivée, à la Providence seule, il est réservé de le connaître. Les préparatifs du voyage se faisaient à Londres. Le gouvernement britannique mit à la disposition de Docteur le transport le Resolute. Sans compter les journaux du monde entier, il n'y eut pas de recueil scientifique qui ne relata le fait sous toutes ses formes. Des paris considérables s'établirent à Londres et dans l'Angleterre. Ainsi donc, croyants, incrédules, ignorants et savants, tous eurent les yeux fixés sur le docteur, qui s'occupa plus activement que jamais des préparatifs de son voyage.